Luc le chapitre 9. Ok, pendant que vous allez parler de Luc chapitre 9, pour vous qui avez la Bible, pour vous qui êtes en train de noter, notez également Actes, vous y êtes. Je vais vous donner les versets au fur et à mesure que ça va venir. Donc j'ai dit Luc chapitre 9. Actes chapitre 18. Notez également maintenant Luc chapitre 14. Voilà. Luc chapitre 14. Donc quand vous allez revenir, je vais vous donner les versets. Mais le passage de Actes chapitre 14, Actes chapitre 18, c'est tout le verset. D'accord? Dans Luc chapitre 9 maintenant, je vais commencer au verset 46. Après, on va aller dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, le verset 46 et suivant. Écoutez très bien. J'ai dit quoi là? Prenons le Luc chapitre 9. Le premier livre, c'est quoi? Luc chapitre 9, n'est-ce pas? Maintenant, je vais lire à partir du verset 46. Lisons ensemble. Observez dans votre Bible. Le fait, tu as trouvé. Hein? Oui, en 46. Oui, Luc 9, verset 46. Voilà, tout le monde y est. Maintenant, écoutez. Or, une pensée dans Luc chapitre 9 verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. On est en train de raconter l'histoire qui s'est passée entre les apôtres de Jésus ici là maintenant. Observez bien. Le Saint-Esprit nous dit que quand Jésus était là sur la terre, une pensée leur vint à l'esprit pour savoir parmi les disciples qui est le plus grand. Écoutez très bien le suivant. Le verset suivant dit, Jésus voyant quoi, frère? Mais, donc, ce n'était pas manifesté encore à l'extérieur. C'était seulement à l'intérieur. Vous comprenez ça? Vous suivez ce que le pasteur dit la dernière fois? Que les pasteurs sont les plus grands. Vous voyez que l'esprit ne change pas, non? Ça veut dire que l'inspiration, ce qui est venu vers eux, souvenez-vous de ce qu'on a vu, la loi là. S'il y a quelque chose sur la terre, qu'on voit maintenant là, ça, il y a eu dans le passé. Il dit, une pensée leur vient à l'esprit pour savoir quoi, qui est le plus grand. Ils sont là 12, ils commencent à aller des compétitions. Regarde, chacun raconte que dans son cœur, je suis le plus grand que celui-là. L'autre dit que je suis le plus grand que celui-là. La compétition était dans les cœurs. La Bible déclare que Jésus, voyant la pensée de leur cœur, pas le comportement, c'est pas à l'extérieur, ce n'est pas encore manifesté. On se comprend, frère? Voyant la pensée de leur cœur, que quelqu'un lui dit, pendant que je suis de parler comme ça, quelqu'un dit comment? Qu'est-ce que courant là? Il est même qui pouvait dire aux gens qui viennent ici pour écouter quelque chose. Est-ce que c'est ça, la pensée du cœur? Alors Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaçant près de lui. Jésus a pris un enfant. Comme il prend toujours des exemples pour enseigner les gens bien. Il a pris l'enfant pour placer à côté de lui. Le suivant dit quoi? Et leur dit, quiconque reçoit à mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car, écoutez bien maintenant. Ce qu'il va dire maintenant va corriger l'esprit qui est sur leur pensée. On est d'accord? Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est? Jésus-Christ veut mettre un principe dans le corps de Christ. La voix devant Dieu, pour être élevé, c'est ce? Rabaisser. La voix devant Dieu. Pour être élevé, c'est-à-dire que c'est pas élevé devant les hommes. Parce que quand il disait qui est le plus grand, c'est-à-dire qu'il se comparait entre eux. Or, l'arbitre final, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui regarde les différentes choses. Alors, Jésus leur prend un enfant et met là-bas. Si vous recevez l'enfant, comme cet enfant, c'est comme moi, vous pouvez recevoir. En fait, Jésus-Christ va dans une zone de passage, il va prendre cet enfant-là pour expliquer qu'en réalité, le royaume des cieux, c'est à partir à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants ne sont pas pour dire que nous sommes grands, pas vrai? La simplicité et l'humilité. D'accord? Ok. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici que celui qui veut être grand parmi vous, qui soit le plus petit, c'est le plus petit qui est le plus grand. Donc devant Dieu, c'est le plus petit. C'est-à-dire que les choses qu'on ne considère pas comme on a vu aujourd'hui là. C'est-à-dire les plus petits, c'est ce qu'on appelle les serviteurs. Serviteurs des hommes. Donc plus je vais vous servir, plus alors je peux être appelé serviteur de Dieu, grand là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, être grand serviteur ne veut pas dire que quand je passe, j'ai de grosses voitures. Est-ce que vous me saisissez? J'ai des gardes du corps. Quand je parle, tout le monde m'écoute. Ce n'est pas ça être serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui sert, qui fait ce qu'on lui a demandé de faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je vais seulement montrer quelque chose. Dès au milieu des disciples, il y avait derrière cet esprit-là qui allait se développer aujourd'hui. Par rapport à la folie des grandeurs des gens. Folie des grandeurs. Grand serviteur. Ouais, quelqu'un avec sa photo, vous le voyez avec la touche, dit révérend, docteur, pasteur, apostle, jusqu'à ce qu'on abrège plutôt son nom. C'est ce nom qu'on abrège. et le titre de révérence uniquement à Dieu. Et Dieu n'a même jamais réclamé ce titre-là. Mais les gens ont pris ça. Amen. Ok, maintenant je vais parler un temps soit peu donc de l'arbitre des hommes. C'est ça qu'il veut parler. L'arbitre des hommes. Et l'arbitre de tout homme. L'arbitre. D'accord? Permettez-moi de parler un seul instant avant de revenir sur les versets. Et puis, je prends là. Puisqu'on avait dit la dernière fois, on a dit la dernière fois qu'on fasse 2 heures, quelque chose. C'est ça, nos frères? Donc, comme ça, donc, je ne dois pas. Je vous ai pris vraiment depuis le matin. Je ne dois pas trop appuyer aujourd'hui. Donc, je vais parler un instant de l'arbitre des hommes. On se comprend? Quand on parle de l'arbitre, vous pensez à quoi déjà d'entrée? Quand on parle arbitre, on voit dans un match, oui, on voit comme quoi? Des joueurs. Des joueurs, oui. Allons-y. Quoi encore? Comment? Un terrain. Bon, c'est bien. Quoi encore? Gardien. Gardien. On a déjà dit des joueurs. Le jeu gardien, c'est un joueur, n'est-ce pas? Une compétition. Une compétition, oui. Un ballon, c'est bon. Oui. Tout ce qu'on a cité, on va les assembler ensemble. On va jouer le ballon ensemble. C'est ça, non? Quoi d'autre? Le coach. Le coach. Voilà. Les spectateurs. Waouh! Wow. Je sens que la Coupe du Monde est passée vers chez vous. La Coupe du Monde est passée vers chez vous, je vous le dis. Mais, vous avez oublié le sifflet. Vous avez oublié le sifflet, pas vrai? Pourtant, ce que j'ai dit, c'est que quand on parle de l'arbitre, qu'est-ce que vous pensez? Personne n'a cité le sifflet. Vous avez cité l'arbitre, vous allez aller chercher les joueurs de Dieu, ça serait aller trouver les spectateurs même dehors. Or, un match peut être joué sans qu'il y ait les spectateurs. On est d'accord? On est d'accord? Mais est-ce qu'on peut jouer un match sans qu'il y ait l'arbitre? Il doit être là. S'il est là, il a un instrument. Ok. Observons l'instrument et puis l'arbitre. Je suis en train de vouloir apprendre le football, le football, le handball. C'est la Bible que je vais aller maintenant. D'accord? Je vais parler de l'arbitre, un temps soit peu. Lorsque le match va se jouer, combien d'équipes il doit en avoir? Si on parle de football, il y a deux. Les deux équipes sont en compétition. Quelque chose les lit là-bas sur le stade, c'est le ballon rond. On met ça au centre. Quelqu'un est là-bas du côté comme ça là. D'autres font là, ils se mettent à jouer. Que Dieu fait pour qu'on mette le but là-bas, on le marque bien. Pas vrai? L'autre sont, ils sont ici. Ils prient encore qui? Fait pour qu'on mette le but aussi là-bas. Bien. Vous pensez que Dieu au ciel voit quelqu'un, il suit la prière, il suit la prière, il va répondre à qui? Je veux dire, est-ce que Dieu est dans la compétition? Mais de toute façon, cette compétition ne nous intéresse pas. Parce que c'est diabolique. C'est l'habit, le comportement de l'habit qui nous intéresse. Donc, si je peux entrer dans la... Si je veux projeter sur autre chose, sur la compétition, je pourrais rentrer là-dessus, mais je vais parler de l'habit. De l'arbitre. Et vous allez voir dans la Bible là maintenant. Ok, voilà le ballon qui a commencé. Quelqu'un fait le passement, les gens, il fait la cuillère, wow. Il fait pas, on tape son pied, parmi tombe hors de la surface. Quelqu'un réclame le penalty, la Bible fait comme ça. Il dit quoi? Que jouer. Ok. Quand il fait comme ça là, des deux choses l'une. Celui qui est tombé croyant avoir le penalty, la Bible ne siffle pas le penalty en sa faveur. Il est content de la Bible. Comme il n'a pas sifflé le penalty là-bas, pourtant on a bien vu comment on a tapé le pied du gars là. Qui est content de la Bible parmi les deux camps? Qui est content de l'arbitre? Dans les deux camps, qui est content de l'arbitre? L'adversaire. Donc celui qui contre qui on n'a pas sifflé le penalty. On est d'accord? Donc, comme l'arbitre a fait comme ça, que lève tu joues, si celui-là se fâche de l'arbitre, le match n'a pas se jouer. Comme il se fâche, ça n'a pas se jouer. Ça s'est joué. Donc, la dernière autorité dans ce match de football, c'est qui? C'est la bite. Quand il fait pip, tu es en train de courir avec le ballon. Tu es censé faire quoi? Donc, il n'a pas besoin d'être avec toi. Il reste tranquille loin là-bas en haut. Tu couches parce que même si tu couvres plus que le train de Cameraille. Quand il fait pip, il vient de te dire quoi? Arrête. Si tu te fâches que ouais, il fallait laisser que je parle même marqué. Tu vas te fâcher. Est-ce pas tu vas t'arrêter? Qui a la dernière décision? Ok. Alors nous sommes dans un monde en pleine compétition entre le mal et le bien. Ceux qui sont au courant de ceci savent qu'il y a un seul arbitre en matière de cette compétition, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu met donc fin à toute contestation au milieu de cette compétition. On est d'accord sur ça. Alors l'homme donc, qui est le plus sage dans cette terre-ci-là, doit prendre la parole de Dieu comme arbitre, le dernier arbitre. C'est-à-dire en matière de, si je suis au travail, S'il faut corrompre ou il ne faut pas corrompre, je dois prendre l'arbitre, c'est qui? C'est qui va siffler que tu corromps ou tu ne corromps pas? Qui doit siffler? Si je suis à la maison avec ma femme, elle commence à faire problème. La façon de résoudre le problème, si. L'arbitre, c'est qui? C'est Dieu. Donc, ça veut dire que la parole est là pour régler les contestations. S'il n'y avait pas l'arbitre dans le football, observez, enlevons l'arbitre dans le match de football. Et voyons. Tu dribbles, tu butes, quelqu'un te fait une... Tu dis que tu m'as ballonné ces pénalties. Tu vas mettre ceci, viens voir. Tu ne me connais pas. Pas vrai? L'autre dit que je vais mettre, l'autre il ne veut pas mettre. Le match va se jouer. Il faut qu'il, déjà ton valeur, il faut qu'il y ait un arbitre. De la même façon, s'il n'y a pas cette Bible-ci pour régulariser la connaissance des gens avec Dieu, c'est que comme il n'y a pas la Bible, si je mens, est-ce que quelque chose m'arrête? Est-ce que si je mens, je fais quelque chose de mauvais? Mais quand, si je mens maintenant, l'arbitre a dit que tu ne mentiras point. On m'arrête. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, l'arbitre de tous les croyants sur la terre, c'est la Bible. Les saintes écritures. On est d'accord? Je voulais vous dire quelque chose. Alors, nous avons vu tout à l'heure là que les pasteurs vont chasser les gens de la synagogue, vont faire telle chose. Mais maintenant, toi, en tant qu'être humain, quel est ton arbitre? Le pasteur ou la Bible? C'est ce que nous avons vu. C'est là où je vais aller. Si je n'ai pas dit au pasteur, le pasteur va se fâcher de moi, il va me chasser. Non, mais on a déjà prévu qu'il va te chasser. Maintenant, ce n'est pas le te chasser qui est le problème. C'est que, est-ce que tu vas te tenir comme ça là, accepter l'arbitrage de la Bible? C'est-à-dire que la sanction que l'arbitre de la Bible, la Bible va prendre devant votre contestation. C'est-à-dire que, quand tu es devant ton pasteur, tu me disais que Père l'a dit, voici ce que la Bible enseigne. C'est pas vrai? Voilà la compétition. Parce que qui t'a enseigné, je suis ton juge. C'est moi qui le sais. C'est moi qui t'ai amené en Christ. Que ce soit la dernière fois. Est-ce que c'est lui l'arbitre? Non. Vous avez compris maintenant, frère? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que votre parole, si vous croyez Dieu, que seulement Dieu et sa parole soient votre arbitre. Que seulement Dieu et sa parole soient votre arbitre. Ne mettez pas le sentiment. Dis à ton voisin, ne mets pas le sentiment. Même si c'est le pasteur qui t'a amené en Christ, comme il dit. Vous avez saisi? Même si c'est ton propre père, il n'y a pas de sentiment dans le niveau de la foi. Si. On est d'accord, n'est-ce pas? L'arbitre. Si la Bible déclare dans le livre de Pierre que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu se trouvent où? Dans la Bible. Donc si le pasteur veut parler, dit pasteur, ne te chauffe pas trop. Allons consulter la Bible pour savoir s'il y a pénalty ou pas. Quand la Bible se fait, quand on fait vrrr, souvent dans la surface, vrrr, la Bible fait pipe sans encore monter le main. Vous voyez, le problème commence là maintenant. La Bible se dirige vers la surface. Quand il se dirige vers la surface, il va encore résoudre le problème pour lequel il... C'est lui qui sait pourquoi il a fait pipe, pas vrai? Mais un joueur a fait comme ça, poum, un autre est tombé. Donc soit on va siffler en faveur du joueur qui est tombé, soit c'est en faveur de... Soit le pipe là, c'est en faveur du joueur qui est tombé, soit c'est en faveur du joueur qui a fait... Bon, pas vrai? La Bible se dirige. Le gars qui est tombé au sol, il est le sûr qu'on va donner le pénal. L'arbitre vient vers lui. Il fait comme ça là. Pip! Carton jaune. Simulation. Le dit, injustice. Il se tourne comme ça là. Que ça, la balle va dans cette direction-ci. Pip! Donc, il a donné la sanction. Ce n'est pas le pénal. Pénalty. Mais qui a décidé? L'arbitre. Si celui-ci se fâche, il se fâche. Ça va continuer. La compétition va continuer. Oui. Continuer. Il bavarde encore la deuxième fois. L'arbitre le regarde comme ça. Il comprend que la deuxième carton, c'est quoi? Il va vraiment faire comme ça là. Il aime tout déranger les gens. Le mumu, ça va empêcher qu'il soit arbitre. Donc même si je dis que la parole de Dieu, pourquoi ça dit que je ne manque pas? Tu vas ouvrir la Bible, il va dire que ne mentez point. Ça ne va pas changer. La Bible va dire la même chose. C'est pour ça que la Bible ne peut pas venir dire que pip, pénalty, vous mettez la pénalty, vous voulez que... Un bon arbitre ne fait pas comme ça. Quand il a fait pip, tu donnes le carton rouge. Montez ou descendez, dit que l'action n'était pas comme ça là. Vous allez voir ça après. Les contestations, c'est à... Après, pour le moment, le carton rouge veut dire quoi? Que tu quittes le terrain. Voilà. Donc, chacun va avoir son carton rouge. C'est soit pipe, carton rouge, soit pipe, carton vert. Alors, votre Bible, je repose la question là maintenant, est-elle votre habit? Ou mieux, qui ici veut prendre la Bible comme son habit? C'est la question. Chacun de vous voulez prendre la Bible comme votre habit, n'est-ce pas? Alors, donc, je vous exhorte donc, ne permettez pas à quelqu'un de vous tromper par rapport à ce qui est écrit ici à l'intérieur. L'intérêt. Si quelqu'un vous dit n'importe quoi concernant Dieu, ayez une seule parole dans la bouche. Montrez-moi où c'est. Vous avez compris, n'est-ce pas? Avec ceci, vous allez être protégé de tous les dégâts qu'il y en a. Vous ne pourrez pas vous séparer de l'amour du Seigneur. Lorsqu'on commence à se séparer de la parole, en fait, il y a une seule chose. Vous quittez les ténèbres, vous allez être où? Appuie sur l'interrupteur là, maman. Qu'est-ce que vous constatez? Allume. Donc, quand on allume, la lumière ne dit pas aux ténèbres que quitte. Quand elle allume, les ténèbres disparaissent automatiquement. Quand on éteint, la lumière ne dit pas aux ténèbres que je ne suis pas là, je me remplacer. Est-ce que la lumière dit ça? À l'instant qu'on éteint, qu'est-ce qui se passe? La lumière est présente. Donc, si tu quittes la parole, tu te trouves où? Dans les ténèbres. Parce que la parole est une lampe. Une lumière sur nos sentiers. Donc, on ne doit pas quitter la parole. Tu quittes la parole, tu tombes où? Dans les ténèbres. Et qui est le prince des ténèbres? Donc, tu abandonnes la parole, tu embrasses automatiquement qui? Diable. La Bible déclare dans le psaume 119, le verset 34 à 36, jusqu'à 36, il dit, je sais ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur, de peur de péché contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. C'est pas comme ça, hein? Ça doit passer ici. C'est à l'intérieur. D'accord? Il dit, Seigneur, sonde-moi, établis ta parole dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole, notre désir, ce sera que la parole de Dieu habite en nous. Alors, si la parole de Dieu habite en vous, personne, c'est la seule chose qu'on peut vous prendre votre maison. Ça ne fait rien, parce que ça ne sert à rien, parce que c'est le bien terrestre. Mais si on prend la parole, on parvient à être désarmé de la parole, vous êtes fini, parce que vous pourrez finir en enfer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est la seule chose que si vous avez habitant en vous, et vous prenez la parole de Dieu comme votre seul socle, comme votre seule façon, votre seul habit pour la vie, personne ne peut rien vous faire. Il vous dit, si la parole habite en vous, vous vous couchez sur un lit comme ça, il y a un sorcier là, c'est le sorcier là qui va partir. Le simple fait que vous vous couchez, parce que c'est la Bible qui dit que si tu sais la parole dans ton cœur, tu dis que tu la prends comme ta soeur, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Tu ne redouteras pas une attaque soudaine de l'ennemi. Alors quand vous voyez quelqu'un va mettre la bougie rouge, il met les ensembles pour que ça sent dans la chambre, il veut se protéger des sorciers, pas vrai? Oh, Dieu veut que la parole habite dans la bouche, dans le cœur, afin que s'il y a quelque chose, tu parles qu'il est écrit. Tu ne peux pas dire qu'il est écrit alors que ça ne se trouve pas ici à l'intérieur. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça que je voulais parler de l'habitre, que la Bible soit notre habitre. Maintenant, je vais prendre dans le suivant maintenant, pour vous montrer ce qui peut empêcher à ce que cet habitre fonctionne pour lui. D'accord? Ce qui peut pousser l'homme, vous qui êtes devant moi là maintenant. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme à ce que cet habitre-ci ne soit pas en sa faveur? D'accord? Vous voulez qu'on examine ça, n'est-ce pas? Notez d'abord Jérémie chapitre 48. Notez. Ah, on va ouvrir un passage là maintenant. Jérémie, le chapitre 48. Non, je n'ai pas dit que vous ouvrez. Notez seulement. Notez. Je vais donner un autre passage qu'on va laisser. Le passage qu'on va lire là maintenant. Si vous voulez ouvrir Jérémie, ouvrez, vous gardez. Je ne vous donne pas le verset. Parce que pourquoi ça ne vous détourne pas là maintenant. Donc, ouvrons Luc chapitre 14. Parce que je vous ai donné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous avez noté tout à l'heure Luc chapitre 14. Et Actes chapitre 18. Luc chapitre 14. Vous y êtes. Je vais lire à partir du verset 15. Maintenant, et puis on va commenter. Le but de cette deuxième page, je vous ai montré ce que c'est qu'un la Bible. Ce que doit être la Bible. Vous avez dit clairement ici que vous voulez prendre la Bible pour votre habit, n'est-ce pas? Je vais vous montrer dans la deuxième partie maintenant ce qui peut empêcher que cet habit soit votre défenseur. Donc que l'habit siffle toujours en votre faveur. D'accord, mes frères? Donc Luc chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dites à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, écoutez très bien, Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure des soupers, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Donc une invitation est lancée. Les gens qui sont invités doivent venir. On dit que la salle est déjà arrangée, les instruments sont déjà placés, tout est déjà, le décor est déjà planté. Tout ce qu'on attend, c'est que vous qui avez été invités, vous venez. Regardons la suite. La Bible déclare, regardez, verset 18. Mais tous unanimement. Frère, il y a des prophéties dans la Bible, c'est terrible seulement. Mais tous unanimement s'est mis à quoi? S'excuser. Donc, soulignez le mot s'excuser. Ok, donc, regardez-moi maintenant pendant que je parle un instant. Ce qui peut empêcher quelqu'un, l'une des choses les plus importantes qui peut empêcher quelqu'un à ce que l'habitude que vous avez donné, vous avez prise maintenant là, fonctionne pour lui, c'est le refus de l'invitation, le refus à honorer l'invitation. Et ce refus à honorer l'invitation se manifeste par les excuses. Se manifeste par les excuses. Il faut qu'on examine ça maintenant. Si on s'excusait, alors il faut qu'on se désexcuse. On est d'accord, n'est-ce pas? On doit se désexcuser et prendre position. Le frère s'y rit bien parce qu'il a lu ce qu'il écrit en bas. Il est en train de rire. Il voit que c'est lui dont on parle. Hein, mon frère? Allons-y seulement. Alléluia. Il dit, tous unanimement, on a invité. Regardez bien, frère, regardez bien. Il y a eu une invitation qui a été lancée, non? On a dit aux gens que c'est prêt. Venez. On a envoyé le serviteur que, allez-y, venez, tout est prêt. On dit tous unanimement, s'est mis à s'excuser. J'ai demandé que vous utilisiez le verbe s'excuser. Regardez bien. Le premier, en fait, on a donné, parce qu'on a dit unanimement, on va aller cas par cas maintenant. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ là-bas, à Touboro, là-bas. Je suis obligé d'aller le voir parce que les engrais ne fonctionnent pas là-bas. C'est pourquoi les arachides ne produisent pas trop. Excuse-moi, je t'ai pris. Je vais arrêter là-bas. Le premier excuse est suffisant pour ne pas lire le suivant, pas vrai? Ok, je pose la question. Nous, qu'est-ce que nous faisons avec l'œuvre de Dieu? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Frère, il y a tellement de problèmes dans l'église que un mois à passer ici à parler, jour après jour comme ça, là, ça ne suffira pas. Je vous le dis. Tellement de problèmes. Ça veut dire que voici les personnes qui disent que tu dis que tu es qui? Je suis chrétien. Je suis chrétien, donc la Bible est mon défenseur. Alors on dit, la réunion c'est tel jour. Venons à la réunion. Non, j'ai le champ, il faut que je parte au champ. C'est pas ça, frère? C'est ça, non? Je pose la question. Lorsqu'il y a un problème maintenant avec le champ, peut-être en partant au champ maintenant, pac, le pied fait mal maintenant. Les frères, priez pour moi. C'est pas ça? Les frères, priez pour moi. Quand c'est fort là-bas, on s'était excusé par rapport à la parole pour aller à son champ, donc il y avait les excuses. Quand c'est fort au champ, on retourne où? Oh, le pire, c'est Dieu fait comme ça pour te corriger que normalement, ceci n'est pas prioritaire. C'est ceci qui est prioritaire. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses vous feront donner par-dessus. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, ce qui peut empêcher quelqu'un que les attributs de l'arbitre soient en sa faveur. On a vu que c'est l'attribut des chrétiens ici. C'est un, les excuses. Le refus à l'invitation. Et l'une des manifestations du refus à l'invitation, c'est que quelqu'un ne peut pas dire que tu ne viens pas à la prière. Pour rien. Il va te dire que non, j'ai mon ami qui est venu. Dis à ton voisin, c'est t'as pas d'excuse là-bas. Tu dis, mais l'autre frère, pourquoi tu n'étais pas venu? Non, c'est qu'on m'avait envoyé là-bas. Dis à ton voisin, c'est t'as pas d'excuse. L'autre va dire que je voulais venir parce qu'il n'y avait pas la ligne de transport. Dis, c'est t'as pas d'excuse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les êtres humains disent qu'ils servent Dieu, mais à la pratique, chacun trouve plutôt son intérêt. Chacun veut que ce soit son intérêt qui soit résolu. On n'est pas sérieux avec l'œuvre du Seigneur. Jérémie chapitre 48, maintenant lisons. Jérémie chapitre 48. Je vous ai dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas, que vous notiez. Jérémie, le prophète Jérémie. Tu as trouvé, mon garçon? Rentre, mon frère, rentre. Jérémie, rentre encore. Voilà. Chapitre 48. Ici, vous parvenez à voir, parce qu'il y a passé de luminosité ici. Vous parvenez à voir. Ok, donc, comme tout le monde hier, dans ce Jérémie chapitre 48, est-ce qu'on peut lire le verset 10, frère? Le verset 10 seulement. Allons-y. Jérémie chapitre 48, le verset 10, il est écrit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Voilà, ça va, assurons-nous. Donc, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi, frère? Maudit soit quiconque, n'importe eux, qui fait quoi? Avec néglige, quoi? Donc, regardez bien. Ça veut dire que si... C'est pour ça que je vais vous poser la question depuis, juste devant vous, je vous regarde chaque fois comme ça. Il dit, est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce que Dieu veut faire? Il dit, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Si tu négliges les choses de Dieu, la Bible déclare la malédiction est chez toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'on prenne les choses de Dieu au sérieux. Or, la négligence vient à cause de quoi? À cause des excuses. C'est parce que les êtres humains ne sont pas assis comme ça. Je vous dis clairement. Je vais prendre le cas des hommes, je vais prendre le cas des femmes. Voici la Coupe du Monde qui est passée. Je ne sais pas à quelle heure le match se joue. Supposons qu'un match se joue à 18h et que la réunion de l'église se trouve peut-être vers 17h45. Vous allez voir que la majorité des gens ne vient pas prier. Pas vrai? Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le match. Tu demandes n'importe quoi, il n'a pas dit qu'il veut voir le match. va te dire que j'ai une invitation que quelqu'un m'a donnée. Je vais aller faire telle chose. L'excuse là, c'est une couverture pour faire ce qui lui plaît. Est-ce que vous saisissez? Alors, il y a un problème avec cet homme-ci. Quel est le problème? On va regarder maintenant. C'est au niveau de la résolution de la chose là maintenant. D'accord? Après cette question, on va voir la résolution des problèmes. Comment résoudre ces genre des problèmes? Alors, pour les femmes là maintenant, je crois que les femmes ici n'ont pas trop de problèmes avec cela. C'est les femmes des autres contrées qui ont des problèmes. Le problème des séries télévisées. Elles peuvent rester devant la télévision de 19h à 23h pour fuir les séries télévisées. Beauté de Dieu par-ci, Marima par là, Kakami et Canon par là, Paul et Silas de ce côté-ci, pour suivre les séries télévisées. Une seule série télévisée dure combien? 30 minutes. Par soirée, elle voit 5. 30 minutes fois 5, ça fait combien? 150 minutes. Que ça soit. Mais là, dit que je lis Jean chapitre 7, chapitre 6, elle regarde comme ça, elle voit d'abord qu'il y a 72 versets. Elle dit, oh, frère Junior, tu te je vais lire comme ça demain. Elle ne peut pas lire. Alors qu'elle a fait 150 minutes, elle fait comme ça, quand ça finit, oh Marie, Marie, on dit, oh, les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Elle a dit que qu'est-ce qui, ce qu'elle a de voir là, c'est quoi? Les bonnes choses. Si ça est les bonnes choses, la parole de Dieu est quoi? Donc elle a laissé tromper cette fois-ci que la parole de Dieu est son absolu. Or, la Bible déclare dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors là que tu auras du succès, que tu réussiras. Dieu a donné l'exhortation pour que l'on puisse fuir le monde au maximum. Or, quand la personne s'il va finir de voir les séries 150 minutes, quand il va se mettre là-bas, il va avoir 5 minutes pour Dieu. 5 minutes pour Dieu. Il dit bien 5 minutes. Alors qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire que Satan a conçu des choses dans le monde entier pour distraire les gens. Il faut que les enfants de Dieu s'éloignent de cela. On est d'accord? Il faut que les enfants de Dieu s'éloignent de cela. Parce que le temps est court. Le temps est extrêmement court. Il faut qu'on se réveille pour saisir des choses qui sont éternelles. Les choses qui produisent des choses éternelles. Nous n'avons pas à fixer nos regards sur les choses temporaires, mais sur les choses éternel. Donc il faut qu'on combat le bon combat de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc les choses inutiles, il faut qu'on mette de côté. Alors on va toujours trouver les excuses. Dieu va comprendre. Oui, Dieu va comprendre, mais il va comprendre seulement sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc de 19h à 23h, quelqu'un est à la télévision. Quand il va au niveau de lui, il prend la Bible, il lit ça. Quand je me couche, je m'endors, je me réveille parce que l'Éternel est auprès de moi. Vraiment, tu parles. C'est Marima et autres qui seront à côté de toi. C'est ça, c'est eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que maintenant que vous voyez les hommes, vous voyez le ballon, vous voyez comment elle est donc, on voit qu'elle a fait comme ça dans l'obscurité. Elle botte la femme sur le lit. Pourquoi? Le ballon a absorbé sa tête. Or, il faut que ce soit la parole qui soit en nous. Et on est surpris donc que des choses nous arrivent et on ne parvient pas à maîtriser. Pourtant, si on s'approche davantage de la parole va s'approcher de nous. La Bible a déclaré plusieurs endroits dans la Bible. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, le verset 7 de la Bible déclare que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment vous pouvez vous approcher de Dieu si ce n'est pas par la parole? C'est pas par la parole? C'est pas la parole. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 3, la Bible déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui davantage. Donc puisque tu vois que Dieu fait des merveilles, il faut davantage avancer dans la relation. Avancer dans la relation avec le Seigneur. Vous comprenez mes frères? Voilà. Donc la Bible déclare, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Qui veut être maudit ici? Je suis sûr que personne n'a dit que oui, je veux être maudit. Mais c'est la pratique qui sera le problème là maintenant. Donc il faut que chacun prenne l'engagement pour que si vous avez décidé de tous unanimement de faire quelque chose pour Dieu, soyez sérieux dans ce que vous voulez faire pour Dieu. Parce que Dieu va récompenser la fidélité. D'accord mes frères? On est d'accord? Maintenant, voyons donc comment la première chose, comment il faut résoudre le problème. Chapitre 14 de Luc. Luc chapitre 14. C'est la résolution du problème. Quand il va résoudre le problème, non, on va arrêter parce qu'il faut que je vous laisse partir vraiment, vraiment, vraiment cette fois-ci dans vos différentes maisons pour aller vous reposer. D'accord? Mais où est le frère que j'ai dit qu'il devait rencontrer là? Cette fois-ci, il n'est pas venu ce soir. Ben, tu vas se le rencontrer cette nuit, c'est vraiment... Ok. Donc, vous êtes dans le chapitre 14. Ok. Qui va nous lire ça là maintenant? Tu vas lire? Il va donner les versets maintenant. Il dit, ça c'est la résolution de ces problèmes de léthargie spirituelle, de cet abandon. C'est-à-dire qu'en réalité, ça pose le problème des priorités, des choix, n'est-ce pas? Ça pose le problème des priorités. Quelqu'un a son champ, à cette heure-ci, il faut qu'il parte au champ, et ici, il y a la réunion de prière. La personne choisit, il pèse. La personne vient l'apaiser. Il choisit quoi? Le champ. Parce que le champ est son intérêt. Il oublie que la personne qui déverse les bénédictions sur le champ là, c'est la personne qui l'appelle par ici. Pas ça. Donc, Luc chapitre 14, lisons à partir du verset 25, mon garçon. Lis au nom de Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Stoppons d'abord là-bas. Regardez. Jésus, le Seigneur, allait se diriger vers Jérusalem. Les gens étaient derrière lui comme ça là. On dit des grandes foules. Donc c'était plein derrière. Regarde. Jésus allait partir, il marche. Des gens sont derrière lui comme ça. Regardez, les gens sont derrière lui. Ils sont allés marcher derrière qui? Derrière Jésus. Jésus s'est tourné. En fait, jusqu'à aller constater qu'en réalité, les gens ne comprennent pas qui il est. On ne comprend pas sa mission, on ne comprend pas comment le suivre. Il se retourne vers eux pour leur dire que faites attention, vous qui êtes derrière moi. Parce qu'on ne vient pas comme ça. Ce n'est pas simple comme vous pensez. Parce qu'il allait marcher à Jérusalem, il part. Parce que. Il entre à Jérusalem, c'est le but pour lequel il part à Jérusalem, c'est pour mourir pour finalement. On est d'accord, non? Alors il se tourne là, il les regarde comme ça, les foules. Il dit que c'est grave. Disons ce qu'il va leur dire là maintenant. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, oui. Sa mère, oui. Sa femme, oui. Ses enfants, oui. Ses frères et ses soeurs, oui. Et même sa propre vie. Souligner et même sa propre vie, souligner. Attends d'abord. Souligner sa même et même sa propre vie. Il dit quoi? Si cette personne ne fait pas comme ça, il va faire comment? Il ne peut être mon disciple. Stoppons d'abord là. Donc vous voyez donc la condition pour être disciple du Seigneur Jésus. Vous avez vu non? C'est pour ça qu'il s'est retourné parce que plusieurs personnes venaient là-bas, ils marchaient comme ça là. D'autres marchaient parce qu'un Jean, s'il a faim, il va faire vrp, le pain, ils vont manger. Pas vrai? D'autres marchaient comme ça que la maladie essaie de me toucher, il va faire comme ça, ils vont être guéris, n'est-ce pas? Jésus dit que ce n'est pas ça qui est important. Il dit que si vous voulez, parce que Jésus a dit les marchés sont derrière lui. Donc les disciples sont les. Ceux qui doivent le suivre, ce sont les dix disciples. Il leur donne les conditions pour être ses disciples, pour ceux qui le suivent. Parmi ces conditions qu'il a citées, il dit que la personne doit haïr sa propre vie. C'est-à-dire que quoi? La personne n'a plus de plaisir pour sa vie. La personne ne vit plus pour lui-même. Vous voyez la chose là maintenant? Donc il faut qu'on reconsidère notre disciple là. On reconsidère notre priorité. On reconsidère les motivations qui nous poussent à venir vers Christ. C'est pas ça? Il faut qu'on s'assoie d'abord, qu'on réfléchisse là-dessus vraiment bien. On se comprend? Ok, avançons ici dans la lecture. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc ici, s'il y a une parole qui est claire dans la Bible pour savoir qui est disciple, ça se trouve ici. Donc on ne dit pas que, non, si c'est Jésus, tu es devenu disciple de Jésus, comment? Je l'ai accepté comme mon Seigneur sauveur. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est que, c'est pourquoi tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ? Tu dis que j'ai abandonné tout pour le servir. J'ai haï ma propre vie pour le suivre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de ça. Non, je crois en lui. C'est pas ça. Il a dit, pour qu'on soit son disciple, il faut se charger de sa croix chaque jour et le suivre. On a le temps, je ne sais pas si le Seigneur va nous permettre qu'on ait le temps d'expliquer bien ces versets dans les détails. C'est quoi haïr sa propre vie? C'est quoi haïr ses parents? Je ne sais pas, la Bible n'est pas en train de dire que tu peux avoir tes parents, que papa j'étais hé. C'est pas ça qu'on a dit. Oh. On n'a pas dit que tu peux dire à ta femme que j'étais hé. Que les enfants, si je vous hé. Alors, Seigneur, je les ai dit que je l'ai hé. Je suis ton disciple, non? Oh, c'est pas ça dont il est question. Il a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Je suis venu mettre une division entre la mère. La fille, la mère et la fille, la belle fille, ainsi de suite. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parce que dans une maison, quelqu'un qui va croire en Christ de la bonne manière, si quelqu'un ne croit pas, ça va créer des problèmes. Alors il faut prendre position pour la vérité. C'est-à-dire que si c'est le père qui dit que je ne veux plus t'entendre parler de ce Jésus-là ici, là, tu vas choisir entre Jésus et lui. C'est encore le conflit de l'autorité comme on a vu aujourd'hui là. Ça sera l'autorité du père avec l'autorité de Christ et tu seras au milieu, tu vas prendre position. Est-ce que vous comprenez? Et il dit donc que ceux qui prennent position pour lui dans ce conflit-ci sont ses disciples. Vous avez saisi là, n'est-ce pas? Ceux qui prennent position pour lui dans ce conflit-là. C'est-à-dire que si tu crois dans une maison où le père ne croit pas, les menaces commencent. Il y a d'autres personnes qui lâchent. Et quand il va lâcher, il va trouver une parole dans la Bible. Que la Bible déclare que expliquer. Souvenez-vous de chaque parole-là, il y a une explication dans la Bible. L'enfant va dire que la Bible déclare que l'enfant obéissant aux parents. Or, la Bible déclare selon le Seigneur. L'obéissance est selon le Seigneur. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est une autorité. Son autorité se limite. Exactement là où le Seigneur lui a donné sa limite. S'il franchit l'autorité pour toucher l'autorité du Seigneur, là l'enfant doit désobéir. Et là, l'enfant doit prendre la position du Seigneur. C'est là ce que la Bible en train de dire. De la même façon comme aujourd'hui on a vu par rapport à l'autorité là. L'autorité de l'État, c'est l'autorité de l'État. Il ne doit pas franchir pour commander quoi que ce soit dans l'église du Seigneur. À cet instant-là, il a franchi la limite, la ligne rouge qu'il ne doit pas franchir. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Avançons ici. Car lequel de vous, oui, s'il veut bâtir une tour, oui, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi le terminer. Vous avez entendu là, hein? Jésus a donné les paraboles pour que chacun mesure le prix qu'il a à payer pour le suivre. D'accord? Non, je suis chrétien. Je suis Jésus. Attendez que les persécutions viennent. Depuis que vous avez vu les vraies persécutions, dans l'histoire de l'église, on attrapait les gens comme ça, on mettait une flamme de feu, on les mettait à l'intérieur, on mettait le feu, ça brûlait comme ça là. Comme ça. On attrapait certaines personnes, on mettait dans la cour comme ça, on les mettait nus. On arrêtait le lion, on enlevait le lion. Les lions, c'était fermé, ils avaient faim. Le lion venait vers eux comme ça. Mais manger, porc, père, femme, enfant, dans la cour. Les gens étaient assis dans la reine, ils voyaient. Voilà les vraies persécutions. D'autres, on mettait une chaise en fer, on mettait le feu en bas. On t'attache dessus, tu t'assois, ça chauffe, ça te brûle, le corps fait fouab, fouab. On dit que si tu dis je ne suis plus avec Jésus, on t'enlève de là. Les gens ont dit je ne suis pas avec Jésus, on a enlevé. D'autres ont dit que je ne bouge pas, ça a brûlé, ça c'est la chair, a brûlé comme la viande. La personne est morte, ils sont morts pour Jésus. Vous êtes prêts à subir comme ça pour Jésus? Donc vous n'avez jamais encore subi la persécution, il vous le dit. Vous n'avez encore jamais subi les persécutions. Parce que les petites persécutions qui viennent, j'ai faim. J'ai faim, tu ne vois pas que j'ai faim. C'est une persécution ça. Tu as faim. Il y a les Nangamboko là-bas, les gens qui dorment, qui n'ont pas la maison là. Ils ont faim. Est-ce que c'est à cause de Jésus qu'ils ont faim? C'est à cause du fait qu'ils ont choisi Jésus qu'ils ont faim. Hein? Avançons ici là. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est le distributeur des persécutions. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent Raillé. Maintenant, allons au verset 33 directement, conclure. On aura le temps de lire. Verset 33. Ainsi donc, oui, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà, soulignez tout ce qu'il possède. Merci, assieds-toi. Donc nous voulons résoudre le problème de l'arbitrage et du fait que les gens donnent des excuses. Et par conséquent, font l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Jésus a donné la solution dans ce verset 33. Il dit ainsi donc, pourquoi quelqu'un a tergiversé entre l'œuvre de Dieu et ce qui lui plaît? C'est parce qu'il a encore quelque chose qui lui plaît. Jésus-Christ dit que la seule façon pour que tu te tournes de ce côté, c'est pour me suivre, c'est que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Souvenez-vous, il a dit tout ce que tu possèdes. Je vais vous donner quelques exemples simples des personnes dans la Bible pour vous rafraîchir la mémoire, pour que vous sachiez qu'il ne parle pas en parabole, il est en train de parler clairement ce qu'il est en train de dire. Qui sait que l'apôtre Pierre était marié? Vous savez qu'il était marié, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre était marié. Hein? Quel était son travail qu'il faisait? Il était pêcheur. Donc, avec le travail du pêcheur, c'est avec ça qu'il nourrissait sa famille. Vous savez ce qui jusqu'à est venu? Il est venu un de ces jours comme ça, le gars lançait le filet. Il a regardé comme ça là. Il dit, toi, fais quoi? Toi, il a dit, toi, fais comment? Tu fais, non, est-ce que Jésus a dit que non, tu fais le bon travail, hein? Mais tu nourris bien ta famille. Il t'apprécie pour ça, non, tu es un bon type, tu fais bien ta famille. Il a dit ça? Il a dit que toi, suis. La Bible déclare que quand Pierre a tiré la barque, il y avait les poissons dedans et le filet. Il a abandonné. Il était dirigé comme ça, là. Il a commencé à suivre Jésus. Revenons en 2014 pour voir ce que les gens font. Tu es militaire, ou bien tu es policier, ou bien tu es n'importe quoi, enseignant ou docteur. Jésus dit, lève-toi, suis-moi. Et ma famille va vivre comment? Et je vais faire comment pour payer ma mère? Et si l'enfant est malade plus tard? Vous avez vu le problème, non? Quand Pierre est quitté ici, il commence à suivre Jésus. Est-ce qu'il a posé la question que le soir, la femme va dire qu'il est où? Est-ce que vous voyez les problèmes aujourd'hui? Et aujourd'hui, on ose se comparer, juste parce que le pasteur, tu as dit le pasteur tout à l'heure, le prophète, a dit que c'est Pierre qui avait tort. Ce pasteur que tu as dit tout à l'heure, là, qu'il va dire qu'il fallait qu'on chicote les gens, là. Voici le fonctionnement des apôtres. Lui, il va, si le voit, certainement, il va avoir un gros vent, qu'il a bu le whisky, parce que ça n'a pas est venu. Et il n'a pas renoncé à lui-même. Voilà quelqu'un qui a commencé à faire. Voici le début des disciples, là. Voici le début d'un disciple. C'est ça que les pierres nous montrent comme ça. Voici le début de tous ceux qui doivent être appelés disciples du Seigneur. Donc tu ne peux pas être appelé disciple du Seigneur si tu n'as rien abandonné. Ça n'est pas possible. Quelque chose doit te faire mal. Quelque chose doit te faire mal. Donc c'est pour ça qu'ils disent dès le début, c'est là qu'il faut une séparation. Il faut une séparation. On doit se séparer de quelque chose pour s'attacher à une autre chose. Il dit à Pierre, Pierre, lève-toi, suis-moi. Pierre s'est levé là-bas, souvenez-vous, la Bible déclare que Jésus est un berger. Et nous sommes les quoi? Les brebis sont, ce sont les moutons, non? Quand le mouton, quand on ouvre la porte là-bas, est-ce que le mouton dit que tu veux que je sorte ou je ne sors pas? Le mouton comprend ça. Est-ce que vous avez entendu parler, le mouton poser des questions à quelqu'un ici? Quand on ouvre le matin, il sait qu'il doit faire quoi? Quand on va le prendre, on ouvre le soir, on sait qu'il doit faire quoi? Et quand il veut aller passer, on fait le bâton, ça, bam, il se redresse, non? Donc le mouton sort comme ça, là. Donc Pierre était le premier mouton. Mais tu dis comment? Je te suis. Alléluia. Mm-hmm. C'est la Bible qui dit ça. La Bible déclare qu'il a tiré les barques. Il n'a pas posé les questions. Mais tu m'as fait pêcher les poissons. Comment je vais laisser ça ici? Si demain, je vais pêcher les poissons, comment on va voler ma barque ici? Il n'a pas réfléchi ça. Il a suivi Jésus. Marc chapitre 10. Prenons Marc. Marc chapitre 10. Le livre de Marc. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse. Mais je vais vous dire, je veux que vous compreniez que le royaume des cieux, on n'entre pas là-bas comme ça que c'est le bonbon. Vous avez ouvert Marc chapitre 10, je vais vous donner le verset. Alors, je vais donc prévenir quelqu'un que non, Dieu est bon, il va comprendre. Il va comprendre. Il va voir que non, non, non, non, que je n'avais pas la force pour lire. Ok. Il va comprendre. Il va comprendre. Souvenez-vous, c'est Dieu. Donc, quand vous dites que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours, ça se passe que comme il a fonctionné avec les apôtres, c'est comme ça qu'il va fonctionner toujours. Il a dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, comment être disciple de Jésus-Christ? Il faut renoncer à tout. Donc, on ne peut pas s'allier à Jésus sans avoir ici. Parce que dans Luc chapitre 12, il va dire que quoi? Que vendez tout ce que vous possédez. Vendez et donnez à le monde aux pauvres. Car là où il y a votre trésor, là est votre cœur. C'est pour cela que cette personne va se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire son cœur est dans le champ. Et l'autre, son parti, son cœur est dans la Bible. Je vais à l'assemblée. Je fais comment? Je fais comme ça. Et chaque fois quand c'est comme ça, on incline toujours pour son côté. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la solution? Il faut mourir à soi-même. Comment mourir à soi-même? C'est séparer. Ce n'est pas un parabole. C'est au sens physique. Donc ne croyez pas que c'est un parabole. On a déjà un détour. C'est Jésus qui a dit là. On va arriver, il va arriver, on va prendre pour Pierre. C'est pour ça qu'il dit qu'il va prendre les cas pratiques pour que vous compreniez que ce n'est pas les paraboles. Premier appelé. L'apôtre Pierre, Simon Pierre, il le voit, il dit que lève-toi, suis-moi. Souvenez-vous de ceci. Simon Pierre n'a pas dit que si tu es sûr, tu vas me payer combien? Et Jésus qui dit suis-moi comme ça, il ne dit pas que suis-moi qu'on part à la maison. Que suis-moi pas de donner l'emploi. Suis-moi qu'il va te donner la nourriture. Jamais. Jésus n'a pas dit que de temps en temps, il va te donner l'argent, tu vas donner à ton épouse. Est-ce que vous avez ça? Vous savez ça? Il n'a jamais dit ça. C'est pas ça, frère. Maintenant, chapitre 10 de Marc, le verset 28, qu'est-ce que ça dit? Tu peux lire, frère. Tu peux lire. Chapitre 10, verset 28, qu'est-ce que ça dit? Marc, chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Stoppons d'abord là-bas. Or, le commentaire de Pierre fait suite de ce que Jésus a dit quelque chose. Lisons le verset 26 en haut là. Allons-y. Les disciples furent encore plus étonnés. Donc, les disciples sont étonnés. Ça veut dire que Jésus a dit quelque chose, n'est-ce pas? Remontons encore plus haut. Prenons l'affaire depuis le verset 23 avant de descendre. Allons-y. Jésus regarda autour de lui. Oui. Dit à ses disciples. Écoutez très bien. Oui. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Arrêtons d'abord là-bas. Vous voyez le problème de départage du cœur des gens, n'est-ce pas? Moi, je vais aller à la prière. Je vais aller ici. Non, les invitations ont toujours des excuses. Jésus dit clairement. C'est un homme riche qui était devant Jésus. Jésus a donné une parabole là-bas que ce sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau d'entrer dans le parles autour d'une aiguille. Ils se sont dit que, hein? Jésus a encore dit, je vous dis que ceux qui ont le bien terrestre, ça va les causer des problèmes. N'est-ce pas, on voit ça aujourd'hui? C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui? Il dit que si vous voyez un riche, d'abord vous allez lui annoncer l'évangile. Je vais te regarder d'abord depuis le pied, voir tes babouches. Il dit que c'est ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que le bien terrestre donne sa satisfaction. Il croit qu'il a tout accompli. Or, il ne sait pas qu'il a tout sauf ce qui est essentiel. Est-ce que vous comprenez? Alors, Jésus-Christ donc continue en disant quoi? Suivant, verset 24. Les disciples furent étonnés. Stop. Donc, il dit quelque chose, verset 23. Les disciples sont étonnés. Il veut dire, maître, tu as même suivi ce que tu déclares. Comment tu peux dire des choses comme ça? Donc les gens qui deviennent terrestres, il sera difficile pour quelqu'un qui a le bien terrestre. Je veux que vous compreniez que si vous avez de la richesse, vous avez déjà un problème. Dans la première session, la deuxième session, nous avons vu clairement quand le frère a donné 1 Timothée chapitre 6, là non. Donc quand tu veux déjà commencer à vouloir s'enrichir, c'est déjà un problème. C'est ça, n'est-ce pas? Regarde ce que Jésus dit. Il dit ici là, il sera difficile. Il sera difficile à ceux qui ont des biens terrestres d'entrer dans le royaume. Donc, qu'est-ce qui va causer le problème des gens qui ont des biens terrestres? Vous pensez quelle est la cause? Quel est le problème? Il dit ceci, n'est-ce pas? Jésus dit qu'il sera difficile à ceux qui ont les biens terrestres d'entrer dans le royaume. Jésus veut parler de que leurs problèmes vont venir d'où? De leur richesse. De leur richesse. On est d'accord, non? C'est pour ça que les disciples sont étonnés, parce qu'ils ne voyaient pas qu'il y avait des problèmes. Jusqu'à commencer à leur expliquer, en réalité, il y a un problème. Allons-y maintenant, continuons. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Vous avez vu, non? Donc, Jésus a vraiment compris ce qu'il voulait dire, oui. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu, non? Donc, il a vraiment bien défini maintenant. Oh, quand quelqu'un va prendre chaque fois son cœur, la main toujours dans les richesses, ça suppose qu'il s'est confié dans ses richesses. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Avançons. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu encore, n'est-ce pas? Alors maintenant, Jésus allait de parler comme ça parce qu'il y avait un riche qui est devant lui. Les disciples ont commencé à défendre la chose. Jésus explique davantage, et c'est clair maintenant. Les disciples vont maintenant commencer à poser des problèmes maintenant par rapport à eux-mêmes maintenant. Si vous comprenez, et c'est ce que chacun devrait faire. Chacun devait d'abord chercher à résoudre son problème devant Dieu, avant de savoir de résoudre comment pour les autres. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardons. Les disciples furent encore plus étonnés. Donc il y a des étonnements combien de fois? Donc Jésus qui dit que ce sera difficile à ceux qui ont le bien intérêt d'entrer. Il dit que quoi? Jésus qui explique, en fait, je vais dire que ceux qui se confient dans le bien terrestre, ce sera impossible pour eux d'entrer. Ils disent, quoi? Ils sont encore étonnés. Amen. Continue encore. Et ils se disent les uns aux autres. Dans ce cas, qui peut être vraiment être sauvé? C'est que c'est fort aussi dehors. Hein? Et qui peut être sauvé? Stoppons. Donc, les disciples ont compris que la déclaration de Jésus-Christ était grave. On est d'accord? C'est vraiment grave. Les disciples ont dit que quoi? Frère Pierre, là, tu penses que quelqu'un sera sauvé dans le monde en cette situation-ci? Parce que les gens aiment la terre, là. C'est pas ça, frère. Maintenant, suivons maintenant ce que Jésus-Christ dit. Alors, les disciples vont se tourner maintenant vers Jésus-Christ pour lui dire que, ok, tu vas résoudre notre problème, mais maintenant, parce que c'est juste, on sent que c'est là-bas dehors, c'est chaud. Allons-y. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Voilà. Alors, car tout est possible à Dieu. Alors, amen. Avançons maintenant. Verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Stoppons. Donc, Jésus a parlé maintenant pour les riches. L'apôtre Pierre, le capitaine de l'équipe de football, a pris le capitaine, le brassard, et dit, ok, Jésus. Il ne dit pas que, regardez bien ce que l'apôtre Pierre dit. Il ne dit pas que voici je. Il ne parle pas pour lui-même. Il parle au nom de tous les disciples. Donc, l'apôtre Pierre veut dire que tous les disciples, sans exception, avaient abandonné quelque chose. On est d'accord? Et il n'avait pas seulement abandonné quelque chose, ils avaient abandonné toutes leurs choses. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que voici, nous avons tout quitté. J'espère que c'est la Bible que vous lisez. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, ils ont fait effectivement cette œuvre-là d'abandon total et du repliement total sous le Seigneur. C'est ça, non? Maintenant, regardons le récit de Jésus, la réponse de Jésus vis-à-vis d'eux. Allons-y. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres. Sept. Vous avez vu les choses qu'on a quittées? Vous avez vu ça? Vous ne voulez plus répondre, hein? Vous avez dit aujourd'hui que vous voulez prendre ça pour habit, non? Vous pensez que c'est le bonbon? Vous pensez que c'est le bonbon? Alors vous allez dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, il dit, quitte ces choses. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, quitte ces choses. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, quitte ces choses. Puis qui te donne le Saint-Esprit, tu vois que tu veux le champ. Tu parles. Alors le verset 30. Oui. Ne reçoivent aucun centime. Oui. Présentement. Présentement. Dans cette vie-ci. Siècle, oui. des maisons, un, des frères, deux, des sœurs, trois, des mères, quatre, des enfants, cinq, et des terres, six, avec des persécutions. Stop. Jésus dit que, regardez bien, voici qu'il a su ceci. Si vous quittez ces choses-ci, présentement, si vous allez encore recevoir les mêmes choses, mais vous les recevrez avec des persécutions. Dans les bénédictions de Dieu, là, il y a les persécutions derrière. Après, il va dire, maintenant, ça c'est pour le siècle-ci. Il dit que la finalité, c'est quoi? Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus-Christ a réglé le problème. Merci frère, assieds-toi. Donc, il y a un vrai principe fondamental pour être disciple du Seigneur Jésus. Je vais dire encore la phrase autrement. Il y a un vrai principe fondamental pour que la Bible soit notre seul attribut, notre seul arbitre, comme on a dit aujourd'hui. Si les gens sont départagés en se donnant des excuses, comme on a vu dans Luc, Luc chapitre 14, là, c'est parce que ils sont sur un mauvais fondement. On n'aurait pas dit ce qu'il faut faire dès le départ. Il faut se séparer. Alléluia. Il faut se séparer. C'est ça qu'on appelle donc mourir à soi-même et compter chaque jour pour le Seigneur. Est-ce que quand les disciples sont éloignés là, ou ils ont quitté ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont réfléchi que demain je vais manger quoi? En fait, Jésus leur a expliqué plus tard que ne cherchez pas ce que vous allez manger le lendemain. Ne dites pas qu'est-ce que nous allons vêtir, comment serons-nous vêtus, car toutes ces choses-là, ce sont les païens qui leur recherchent. Donc si quelqu'un dit que Seigneur, qu'est-ce que je vais manger demain? Directement, il est un païen. C'est pas moi qui dis, oh. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. Vous avez dit que vous aimez ça, non? Donc, je suis obligé de vous dire ce que l'arbitre a dit. Pour qu'il n'y ait pas de conflit dans le stade. N'est-ce pas? Donc, ce soir, l'arbitre a sifflé. Pip! Vous devez vous séparer. Vous allez bagarrer maintenant, vous allez bagarrer entre l'arbitre, la décision a été donnée. Ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qui précède ne peut être mon disciple. L'arbitre a sifflé. Vous voulez contester? Qui veut contester? Il a rencontré Matthieu là-bas. Il était au péage, il comptait, il prend l'argent, il met ici, il prend l'argent. Il a regardé comme ça, Matthieu l'a regardé, il dit, lève-toi, suis-moi. Il dit, moi, est-ce que tu veux me suivre? Il dit, lève-toi, suis-moi, il se tourne. Matthieu laisse l'argent dedans, Trangalang. Il ne pose pas la question, si il laisse l'argent de trou ici, on vole, qu'est-ce que je vais devenir? Il laisse l'argent, il est aussi derrière le mouton, il part, là où il part. Est-ce que vous comprenez? Chacun a dû laisser quelque chose. Je pose la question, aujourd'hui, avons-nous abandonné quelque chose? Ne répondez pas, la question est pour... poser. Si vous n'avez rien abandonné, soyez donc sûr à 800% que vous n'êtes pas disciple du Seigneur Jésus. On est d'accord là-dessus? Vous voulez répondre? On est d'accord, non? C'est l'habit qui a sifflé ainsi. Il a dit, si vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas être mon Dieu, disciple. Donc, un disciple, c'est celui qui a abandonné. Donc, ce qui est sûr, donc, à 1000%, 100% sûr, 1000% sûr, c'est que si vous n'avez rien abandonné, vous n'êtes pas disciple de Jésus. C'est l'habit qui a dit ainsi. Alors chacun individuellement doit faire face à cette réalité, à ce que la Bible a dit. Chacun doit aller devant la Bible en disant, Seigneur, qu'y a-t-il dans ma vie que tu voudrais que ça quitte? Est-ce que vous comprenez? Chacun a sa résistance, il ne citera aucune chose. Chaque vie est différente devant le Seigneur. Pierre lui pêchait le poisson, Matthieu était au péage. On est d'accord, n'est-ce pas? Pour Matthieu, ce que Matthieu a abandonné n'est pas ce que Pierre a abandonné. Mais de toute façon, quelqu'un a abandonné quelque... Luc chapitre 12. Vous y êtes dans Luc, dans le livre de Luc au chapitre 12. Là, on va s'arrêter. Parce que la nuit tombe déjà. Luc chapitre 12. Si vous êtes là, je vais vous donner les versets. On y va. Luc, le chapitre 12. On va lire à partir du verset 15. Allons-y, frère. Tu peux lire, mon cher frère. Pardon, si c'est possible. Oui. Luc chapitre 12. À partir du verset 15. Écoutons suivant doucement. Allons-y. À partir du verset 15. Oui. Il est écrit. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Oui. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous avez entendu? La vie d'un homme dépend de ses biens terrestres. La vie d'un homme dépend de ses biens terrestres. Alors, c'est Jésus qui a parlé ici. Hein. Si vous avez la Bible qui est écrite en rouge, vous aurez remarqué que le travail, c'est écrit là-bas en rouge. Donc, les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance. Mais donc, même s'il était abandonné n'importe comment, sa vie ne dépend pas de cela. Ah oui? Et il leur dit, cette parabole, oui. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc, l'homme riche, là, c'est tout du côté des Touboureaux. C'est ça, non? Il dit l'été des non-riches de Touboro était avec beaucoup rapporté. Des sacs d'arachide, c'est grave seulement. Suivant ce qu'il va faire. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Vous entendez, non? Donc vous savez que c'est de Touboro que Jésus allait parler, non? C'est pas ça? Allons-y. Voici, dit-il, ce que je ferai. Oui. J'abattrai mes greniers, oui. J'en bâtirai de plus grands, oui. J'y amasserai toute ma récolte, oui. Et tous mes biens. Mm-hmm. Et je dirai à mon âme, oui. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Oui. Repose-toi, oui. Mange, bois et réjouis-toi. Oui. Et Dieu lui dit, oui. Insensé. Stoppons. N'est-ce pas le bien de ce monsieur-ci lui-même? N'est-ce pas lui qui a eu la récolte? N'a-t-il pas le droit de manger? Mais Dieu, quelle est la sanction de Dieu? La sanction de Dieu, c'est quoi? Insensé. Il faut que la suite va nous dire pourquoi cet homme est appelé par Dieu insensé. Donc, il y a le premier principe que Dieu a donné en haut là-bas. Dieu a donné en haut le premier principe que même si tu es riche n'importe comment sur la terre, ta vie ne dépend pas de cela. Je pose une question. Si quelqu'un a les milliards sur la terre, est-ce que ces milliers-là, s'ils doivent être aveugles, une maladie va l'aveugler, ça peut empêcher, les milliers-là peuvent faire qu'ils ne soient pas aveugles. Est-ce que si la personne est couchée dans le cercueil, est-ce que les milliards peuvent l'enlever du cercueil? Alors finalement, est-ce que ces milliers-là, ça peut défendre sa vie? Si on pouvait comprendre seulement ces choses. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc les biens ne peuvent pas sauver un homme. Il a dit insensé à celui-ci. Après, il va expliquer pourquoi. Allons-y. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc, ça veut dire que quand l'homme va finir de construire les greniers, mettre les biens en disant que maintenant tu as beaucoup de nourriture, mange maintenant, repose-toi. Le matin, il ne doit même pas se réveiller là-bas. On est d'accord, non? Le reste là, quand il a arrangé, est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va profiter? C'est la preuve que les biens ne doivent pas nous contrôler. Les biens ne sont pas là pour nous contrôler. Mais nous devons avoir le contrôle sur les biens. Est-ce qu'on se comprend? Avance, frère. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc vous voyez vraiment que le thème de la richesse, les riches ont vraiment un problème avec Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est pas fini, frère. Ce n'est pas fini. Donc les riches ont vraiment un vrai problème avec Dieu. Lisons le verset 33. Allons-y. Le verset 33. Oui. Il est écrit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Stoppons là-bas. C'est un commandement ou ce n'est pas un commandement? Donc on fasse quoi? Qu'on vend quoi? Qu'on fasse comment? Et fait comment de ça? Donnez-le en aumône. À qui? C'est ok, en aumône, c'est à qui? Aux pauvres. Les pasteurs disent qu'on vient plutôt les donner. Les pasteurs disent plutôt qu'on vient leur donner. Vous avez vu ce que Jésus vient de dire, non? On donne en aumône aux pauvres. Et il dit, il y a une suite. Oui. Et donnez-le en aumône. Oui. C'était 33. 33. Mm-hmm. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Oui. Un trésor inépuisable dans les cieux. Donc, où est-ce qu'on doit amasser les trésors? Dans les cieux. Dans les cieux, oui. Où le voleur n'approche point. Mm-hmm. Et où la teigne ne détruit point. Oui. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Vous avez compris ce principe ici, n'est-ce pas? Vous avez compris? Donc quelqu'un qui n'a pas l'attachement aux choses matérielles, son cœur est forcément attaché aux choses spirituelles. Quelqu'un dont le cœur n'est pas attaché, n'a pas les attachements spirituels, est forcément, son cœur attaché est forcément sur la terre. On ne peut donc pas servir deux maîtres à la fois. La Bible déclare en Colossiens chapitre 3, verset 1 que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu ne peux pas... Regardez un peu le plafond. Regardez un peu le plafond. Regardez tout le monde. Regardez le plafond. Vous avez vu? Vous regardez le plafond, n'est-ce pas? Maintenant, je vous lance donc le défi. Regardez en même temps le plafond, en même temps le sol. Vous pouvez faire. Maintenant, regardez le sol. Vous regardez. Pendant que vous regardez le sol, vous voyez le plafond. Regardez le plafond. Pendant que vous regardez le plafond, vous voyez le sol. C'est ainsi. Votre regard fixé en haut, vous ne pensez plus aux choses ici. Vous êtes ici, vous ne pensez plus aux choses dans le rôle. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il est affectionné aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela que je voulais exhorter chacun de nous ce soir de prendre garde à ce que la Bible en lui dit. Qu'on prenne la Bible comme seul habite. Et la condition, c'est qu'il faut que les cœurs ne soient pas départagés. Qu'on vienne totalement au Seigneur. Et venir totalement au Seigneur veut dire qu'on se sépare de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ces deux choses-ci ici. J'ai mis un ici. J'ai mis un autre ici. Maintenant, notez un passage. 2 Timothée chapitre 2. Notez. 2 Timothée chapitre 2. C'est par là que je vais m'arrêter. Voici le pourquoi les versets depuis le matin, je les mettais ici. Vous êtes dans 2 Timothée chapitre 2. Si vous êtes, je vais donner le passage. Nous allons lire les versets. Non, papa n'est pas encore là-bas. Vous voulez devancer mon père. 2 Timothée chapitre 2. Tout le monde y est. Quelqu'un peut-il lire le verset 19 et le verset 20? Oui, viens. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Il dit pour la gloire de Dieu. À haute voix. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Mm-hmm. Avec ses paroles qui lui suivent. Attendez. Quand tu dis ses paroles, est-ce que c'est avec qui avec S? C'est donc ces paroles, donc on est en train de démontrer cette chose là que voilà, il y a une parole aussi, la parole si lui sert de sceau, n'est-ce pas? Avec ces paroles lui servent de sceau qui lui servent de sceau le Seigneur. Non, attends d'abord, il y a un deux points, n'est-ce pas? Avec ces paroles qui lui servent de sceau, deux points. On va citer maintenant la parole qui sert de sceau à Dieu, d'accord? La parole qu'on va lire là, c'est cette parole-là qui sert de sceau de Dieu. Donc c'est le cachet de Dieu qui ne peut pas être effacé. Les paroles-là, lis-les maintenant. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc stoppons ici. Donc même si on fait blablabla sur la terre ici, il y a quelque chose qui est écrit en haut là-bas que moi, c'est moi qui connais ceux qui sont pour moi sur la terre. On est d'accord, non? Allons-y. Et il y a une deuxième parole. Parce qu'on a dit que c'est ces paroles. Il y a une parole qui est d'abord dite. Deuxième parole, c'est quoi? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Une chose encore, le même principe. Il a dit, vous ne pouvez pas être disciple de Jésus sans avoir séparé de quelque chose. Donc, deuxième chose, voilà, c'est encore, si tu prononces le nom du Seigneur, tu dois te séparer de l'iniquité. C'est ça, on ne prononcera pas le nom du Seigneur en vain. Donc, tu ne peux pas dire Jésus et tu vis dans le péché. Ce n'est pas possible. Avec toutes ces choses, si vous pouvez voir maintenant autour de vous que la majorité des gens qui disent chrétiens ne sont pas créés, chrétiens, ils se trompent eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? On avance quelque part parce qu'on va toucher ceci. On va toucher ça et ça. Allons-y. Dans une grande maison, oui. Grande maison, oui. Il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent. Oui. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Oui. Les uns sont des vases d'honneur. Oui. Et les autres sont de l'usage vil. Arrêtons d'abord là-bas. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases des vases d'honneur, il y a aussi des vases de terre, d'accord, vases d'argent, des vases d'or. Les vases, ce sont les choses qu'on met les contenants à l'intérieur pour utiliser. Comme par exemple, regardez bien le gobelet que j'ai mis ici depuis le matin. Ici, ça, c'est le gobelet en argent. Ici, ça, c'est en verre. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, dans cette grande maison, il y a plusieurs styles de gobelet. On se comprend? Il y a plusieurs styles de gobelets. Je vous pose une question, voici papa ici. Si le sous-prophète entre dans la maison, est-ce qu'il va se dire qu'on lui donne l'eau avec ceci? C'est que quand la femme va prendre ça là à moi, le regard, sans constater si le sous-prophète, le regard que papa va le regarder comme ça, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas avec ça qu'on doit utiliser pour le recevoir. On est d'accord là-dessus? Maintenant, il dit, il y a dans la grande maison des vases d'argent. Et des vases de notre style. Donc, c'est plusieurs styles de vases. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train d'appeler vase? C'est là que je vais expliquer pour qu'on sorte d'ici. Allons-y dans la suite. Si donc quelqu'un se conserve pur, oui. En s'abstenant des choses, de ces choses, oui. il sera un vase d'honneur. Vous avez entendu? Stoppons là-bas. Donc, on est en train de dire clairement que les vases d'honneur dont on a parlé ici, il s'agit des êtres humains. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, l'impurité, tout ce qu'on peut nommer dans la Bible, si quelqu'un s'abstient de cela, on dit que s'il fait ça, il sera un vase d'honneur. Regardez bien. Regardez. J'ai mis ceci comme ça. J'ai mis ceci comme ça. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, parce que les choses-là salissent la personne. L'impudicité, on a dit aujourd'hui dans l'Ude Ephésiens chapitre 5, que ça ne sommes pas nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, n'est-ce pas? On dit ici que si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera quoi? Un vase d'honneur. Allons-y. Ah, lui non. Sanctifié. Arrêtons là-bas. On dit qu'il sera un vase d'honneur. Comment? Sanctifié. Donc, si on s'abstient de, plus on s'abstient des choses qui sont qui nous dérangent avec le Seigneur, le péché là, d'accord? On est quoi? Sanctifié. Sanctifié, ça veut dire quoi? Nettoyé et mis à part. On est d'accord? Donc, cette personne-ci qui était dans le péché, c'est pour ça que j'ai renversé ce verset. Le verset doit être utilisé. Ça doit être utilisé pour qu'on mette en service. Quand on met l'eau pour donner à quelqu'un, on a de mettre ce verset en service. Le problème maintenant, c'est que c'est dans le péché. Le problème maintenant, c'est dans le péché. Donc, c'est dans la saleté. On dit que si cette personne-ci, on nettoie. Alors, si on nettoie maintenant, on dit que ce sera une vase d'eau. Donc, on peut alors utiliser ça devant quelqu'un. On est d'accord? Il sera une vase donnée. Allons-y. Sanctifié, utile à son maître. Utile à qui? À son maître. Oui. Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. On est d'accord? Vous avez compris pourquoi le verset a été ici depuis au matin, n'est-ce pas? Alors maintenant, la balle est dans notre camp maintenant. Voulons-nous être utilisés par le maître? Amen. C'est la question. Ça va. Posons. Ça va, mon frère. Alors, vous avez compris maintenant tout le plan depuis ce matin, n'est-ce pas? Vous avez compris la progression jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Vous avez compris le pourquoi Dieu, la responsabilité qui est incombe à chacun de nous, n'est-ce pas? Alors, au-delà de cela, chacun a une responsabilité face à face devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.